Devi kele ya benu jona jinamu. Tupeje kele ya benu jona jinamu. Nemu pao devi ya. Ajika sonamu, ajika sonamu. Nemu pao devi ya. Ajika sonamu, ajika sonamu. Benu jona jinamu tu peje kele ya benu jona jinamu nemu pa devi ya ajika sonamu ajika sonamu nemu pa devi ya ajika sonamu ajika sonamu aha Afrika opo emanelo opo yade aha Afrika opo emanelo opo yade. Marié par femme. C'est faux. Ah, c'est, tu as compris ça? Oh, c'est faux. Bon, mais moi, je veux marier femme là aujourd'hui. Hein. Tu connais Angélica, je vais la marier moi. Est-ce que tu as l'argent? Moi, j'ai de l'argent. Ok. Je vais la sauter. ya na trovasia papo yenye made papo yenye made tevikele ya na trovasia papo yenye made papo yenye made beauté africaine beauté de mes rêves. La loi à ma doque à moi. Poème à Nélo, poème à Nélo. Il a des gens, ma gadoque à Nélo. Poème à Nélo, poème à Nélo. Il a des gens, ma gadoque à Jean. Poème à Nélo, poème à Nélo. À ma doque Kobo. Nélo, poème à Nélo. Kobo, ma zé, Romain, Académie à Jazzy. Au quoi la Néna doué? Let's go.

Faut pas négliger. T'as trouvé travail, t'as trouvé boulot, t'as trouvé affaire, faut pas négliger. T'as trouvé affaire, t'as trouvé travailler, t'as trouvé avancer, faut pas négliger. C'est le bonheur. Le travail, c'est la richesse. Le travail, c'est le bonheur. Il faut savoir une copie. T'as trouvé travail, t'as trouvé boulot, t'as trouvé affaire, faut pas négliger. T'as trouvé affaire, t'as trouvé travailler, t'as trouvé à bosser, faut pas négliger. Hein, tu as compris, hein? Si tu ne travailles pas, c'est la chicotte. T'as trouvé affaire, faut pas négliger. T'as trouvé affaire, t'as trouvé travailler, t'as trouvé avancer, faut pas négliger. C'est important. Uh-huh. Et le travail aussi, c'est important. Uh-huh. Tu dois aller à l'école, hein, Kofi. Uh-huh. Sans quoi, si tu ne vas pas à l'école, si tu gagnes négligemment, tu vas gagner emmerdement beaucoup. Négligemment, même c'est quoi, comme la Mais tu dois travailler, tu sais beaucoup. Merci maman, il faut écouter les conseils de maman et papa aussi, hein. Petit Kofi, hein. Et est-ce que tu veux Tumba là? Tumba dit Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi, Kofi. Rester sans boulotter, rester sans rien faire, c'est rester sans argent. Rester sans travailler, rester sans boulotter, rester sans rien faire, c'est rester sans un sou. Rester sans travailler, rester sans boulotter, rester sans rien faire, c'est rester sans honneur. Rester sans travailler, rester sans boulotter, rester sans rien faire, c'est rester sans argent. Rester sans travailler, rester sans boulotter, rester sans rien faire, c'est rester sans un sou. On ne cherche pas la beauté, on cherche la bonté. Et le bon caractère, hein?